Alors, je lis dans l'exposé des titres de l'Église. Le chapitre 9, la page 320, troisième paragraphe, il dit. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge. Et que leur ministère peut être correct. Et je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul. Où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai. Donc, le ministre prophète de 24, il y en aura, même dans son âge. Mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole. Kasi nazali ko wanga na penza na ntina na lisabu. Je dis qu'il y a eu plus d'un seul messager prophète. Wana na boyete basakoli mamemina sambale bankome bele. Dieu n'a jamais envoyé deux messagers dans le même âge. Zambele na timite mamemina sambale bale na elekomoko. Pour l'âge de Laodicée. Pona eleko na Laodicea. Il n'y a qu'un seul messager. Ezali bobele mamemina sambo moko. Ça doit te pénétrer jusqu'à la moelle. Et pote yo, tu n'y en a mis ça. Alors, au Kokangi Seminoko, il y a un défenseur, il y a un publicitaire des successeurs de William Branham. Tout ça pour te déloigner du message. Et introduire dans ton cœur les successeurs de Frère Branham. Les remplaçants de Branham. Il y a un seul message à prophète. Que tous nous devons écouter. Nous n'avons qu'un seul message auquel obéir. Venu par un seul serviteur. Ça doit trouver place. Dans la moelle. Et l'âme jusqu'aujourd'hui les moelles. Et quand on a moelle, tout le monde a mis. Et c'est là où on la profondeur. Quand on a mis. N'ayez pas de confusion sur ce sujet-là. Il ne peut pas y avoir plus de messages. Autant de Noé, c'était le temps de Noé. Autant d'Élie, c'était le temps d'Élie. Autant de Moïse, c'était Moïse. Autant de Paul, c'était Paul. Maintenant, hein, c'est Élie le prophète. Et le message qui nous connecte à l'enlèvement. Tout le monde dit amen. Il ne peut pas y avoir plus d'un messager prophète. Les prophètes majeurs qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Son ministère là est donné à un seul messager. Prophète. Pas un groupe de prédicateurs. Même pas un remplaçant de ces prophètes-là. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Na continue de la bino Élie à Mosakoli. Un seul. Un seul, c'est la promesse de la Bible. Malachie 4 verset 5 est clair. Malachie 4 verset 5 est clair. Je vous enverrai Élie le prophète. La patine de la Bible Élie. Un seul messager. C'est celui-là que nous devons recevoir en tant que tel. Les autres ont leur place. Mais le messager a sa place. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, comprenne. Je nie que vertu du témoignage infaillible de la parole, il y a plus d'un seul message prophète qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Son ministère là est exclusif. Le mien n'est pas de ramener le cœur des enfants au Père. Bien que je prêche sur le message de retour au commencement. Ma commission n'est pas de ramener le cœur des enfants au Père et ne le sera jamais. Et si vous voyez un individu s'élever, dire qu'il a la mission de ramener le cœur des enfants à leur Père, hein, vous devez le tester. Dans ce stage, c'est un seul ministère. Si vous l'identifiez, si vous le retrouvez, alors retenez ça pour de bon. Ne flottez plus à ce sujet-là. J'aimerais que chacun soit fixé à ce sujet. Un frère est allé faire un jeûne une fois. Il m'est venu tout maigre là et tout. Il est venu me voir. Oh non, Dieu m'a envoyé vers vous. Puis il dit, Dieu a placé à moi l'esprit d'Élie. Pour continuer à faire ce que frère Branham n'a pas achevé. J'ai dit, frère, mais Dieu ne m'a pas dit que tu viendrais. Oh non! Dieu m'a dit de venir te voir. Tu as des enseignements à me donner. Oh! Des enseignements! Mais avant que tu ne viennes, Dieu devait me préparer. Le Dieu qui avait parlé à Pierre, il a eu à parler au Saint-Corneille. Le Dieu qui a parlé à Saul de Tarse, il a parlé à Ananias. Il les a mis en contact. C'est ça le signe biblique. Il ne m'a pas prévenu qu'il allait venir. Alors, je ne veux pas considérer tout ce que tu dis là. Pose seulement tes questions comme un frère et je vais te répondre comme un frère. Frère David, vraiment. Ma tante n'a ici la raté. Mais putain, t'as des choses. Zamba, l'obéli n'a la tienne à la yo. Pourquoi vous considérez tant de bonheur que c'est mon âge d'ailleurs? J'ai dit frère, pose simplement tes questions. Tes histoires-là, Dieu t'a dit, mets ça de côté. Oui, nous sommes pas le bébé. Pose un problème là, yo, en tant que mon frère. Moi aussi, je vais te répondre en tant que ton frère. Tout n'a pas de colère de quoi, tout n'a pas de colère de quoi, il n'y a pas de colère de quoi, il n'y a pas de colère de quoi, il n'y a pas de colère de quoi. Si tu as la parole, on peut ouvrir la Bible, nous allons traiter. Ce qu'on a dit là, oh, c'est toi, on écoute. Nazarik, oh, Kayo. Ah, mais il fallait d'abord, même si tu ne veux pas reconnaître que tu es un grand homme. J'ai dit, frère, arrêtez. N'allez pas dans cette voie-là. Je ne suis pas là. Pose tes questions. Le temps est précieux. Terminons les questions. On se dit au revoir. D'accord? Oh non. Est-ce que moi vous pouvez appeler? Tu veux que je prépare pour toi? Oui, j'ai fait, frère. J'ai fait. Attendez, je vais aller à la cuisine. Je vais aller à la cuisine. J'ai allumé. Vite, vite, vite là, allez, je achète une sardine, puis on a mis à table, dit bon appétit. Bien. Il a mangé. Allez. Je dis, maintenant, papa. Oh, ça va vraiment, frère. Oh, vous avez l'amour, hein. Vous avez l'amour. Je sais que, côté moi, on est au Shanghai, dans Bolingo vraiment. Et tout. Que Dieu vous bénisse pour ça. Je dis, mais merci. Ok, alors, pose maintenant la question. On a commencé, on a parlé, à la fin, on a fini. Ça n'est pas que j'étais étudiant, hein, mais au service de Dieu. Alors. Après, on a fini, j'ai dit, on prie, et il a pris sa mallette, grosse mallette là, avec sa grosse veste, et puis il est parti. Et accueilli. Gloire à Dieu. Mes chers amis, Beninga. Ne laissez pas le diable vous entraîner dans une mauvaise voie. Ayez tous vos cinq sens en place. Ayez surtout le sixième sens bien averti. Zala penza na koleka. Si vous soyez aux alliés. Oui, c'est ce qui dit Kamelingeya, Omikébis. Le Seigneur a dit, ne nous laisse pas tomber en tentation. Amen. Il n'y a pas plus d'un seul messager prophète majeur. Dans la main droite du Fils de l'homme, en Apocalypse chapitre 1, il y avait combien d'étoiles? Dans le bas, il y a un ya mwana na moto kuna na yomoni seli mkapo ya mbo mizoto na loboko na yomoni la septième étoile c'est qui? Mouzoto ya sambozala kuna Eli, le prophète de Malachi 4-5 Mosakoli oyo ya Malachi ya mkapo wa mine mulungwa mutanu pe motoba. Après cette étoile là il y a aucun autre message à considérer. Nasi mwana mouzoto wana yezale ta mwokote amilo bete zali mwemina sambo biso petu kukotala hii mon côté. Personne a écouté au même rang que le messager. Mon côté a koyoka, nenge moko na mumemi na sango. Il n'y a qu'un seul messager prophète Machia. Mumemi na sango sa babele ye moko na. Et cela jusqu'à l'enlèvement. Nenge salamion, qui nous a connu tout là-bas. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Toutes les théories favorisées, favorisées et promotionnelles pour tel prédicateur, tel ministère, gardez-les ce que vous voyez pour vous. Laissez l'église dans le plan de Dieu. Suivez. Le ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable. Il le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Est-ce que vous pouvez dire amen à la vérité? Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. On a reçu une même doctrine importante. Le messager Élie, le prophète de cet âge, avait-il plusieurs doctrines? Maintenant, les assemblées qui prêchent et prétendent nous soutenir ce message ont-elles plusieurs doctrines? D'où est-ce que cela est venu? D'abord du comportement humain. Et avant de diaboliser, mais comprenons-nous entre nous. Avant de diaboliser, c'est le diable. D'abord, le comportement humain. Regardez les Congolais, par exemple. Ils ont la culture de division facile. Mouké, mouké, wenge, pangani. Si vous voyez ce qu'on dit, c'est le wenge, pangani. Tout là, même dans les religions, toujours, tout est wengetisé. Tout. À la manière de wenge. Nous sommes la musique, mouke. L'église est pas salée. Bah oui, bah oui. Les gens ont soulevé des bancs, ils sont allés. Ah! Nos assemblées ont été torturées comme pas possible. À Matali, là-bas, quand il y avait une division dans les années 85, là. Les gens ont soulevé les bancs. Dans une église. Et quand il y avait des problèmes, des tensions, des discussions sur la parole, un frère s'est levé. Il a béni l'autre frère dans la chemise, il dit, vous connaissez message aux non. Message à nous qu'on a eu. En pleine assemblée. Quand il a été tombé. Et puis il est allé poser deux femmes. Il a rétrogradé. Les mêmes gens qui font ces choses, regardez comment ils finissent. Mais à l'assemblée, ce sont des frères très spirituels. Arrêtez les théâtres de chez nous. Les Congolais avec cette culture, cette mauvaise nature. Dans plusieurs endroits où ils sont allés. Même en dehors de leur pays natal. Ils ont continué à diviser les femmes. Donc allez toujours créer quelque chose propre à eux ici. Où vous trouvez au moins, sur 10, 7 Congolais. Nazomi. Un peu de West Africain, mais 7 Congolais. Bah, namboka Congo. Mais awa namboka na bagomoko be bayoka na kati. Bakay kuna, basali sikoyo, qui sentiment national. Ma frère, ma congolais frère, est-ce qu'après tout, on ne veut pas se disperser comme ça? Tu as quand même, oh, bapaya, oh, maman, na ke, toza rekolo moko. Mais on ne se réunit pas dans l'église au nom de la nation. Le rassemblement des croyants, c'est au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, là où nous partons baptiser ici. Et si tu n'as pas repéré les baptistes. À la rivière Ndili. Na Ibalendilo. À l'entrée là, il y a quelque part à gauche là, il y a une église de Bayombe. Comment vous pouvez fonder une église et vous dites que c'est l'église de Bayombe? Ah. Communauté ceci, des Bayombe. Maintenant les autres sont quoi là-bas? Donc ils ne sont pas les bienvenus. Bon côté. Et c'est seulement les Bayombe qui sont plus à l'aise là-bas. Non, frère. Bon côté, Bandeko. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Et si Kami Baleto me sort, tu vas s'en aller à comment? Jésus veut de ça. Non, ça l'ingi de vous. Pas l'esprit tribal. Et ça l'a fait, hein? Moli mon amboka. Ban amboka. L'esprit tribal. Et moli mon oyo. Mais il y a des églises où il y a ça. Ils aiment la mangomba ou ma kambo isali. J'ai entendu quelque part, il y a eu un pasteur qu'on reprochait. Ceux qui étaient chauds là, tous les jeunes là. Oh, bah, oui, vous, l'église est manyanganisée. Oh, et quelle est-ce que vous voulez dire manyanga? Manyanganisée. Et comme il y a un quoi? Comme le pasteur était mounyanga, il a pris pour associer un mounyanga. C'était aussi vrai. Le pasteur associé mounyanga. Lui, le titulaire, mounyanga. Les diacres, je crois, 3 sur 5, banyanga. Maintenant, les jeunes jouent. Ils ont dit, l'église est banyanganisée. Maintenant, lui qui dit ça, il est moutande. Mais maintenant, vous vous battez pourquoi? Pour que les bantans aient aussi une part? Ou c'est le problème de Dieu, ou c'est le problème de votre vie? Ils ont dit que maintenant, c'est pas possible. Il y a pas beaucoup d'abîmes. Ces choses-là, pas dans la maison de Dieu. Êtes-vous là? Vous allez là, non? Pas dans l'église de Dieu! Mais quel est le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé que pour les bayons? Pour venir former l'association de Bayom. On a ça la liquide à Bayom. Appelez l'église de Dieu. Nous. Faites vos histoires au nom de Dieu. Mais quand vous venez à l'église, cherchez un cœur pur. Tout le monde doit naître de nouveau. De la chair au dernier bas. Au dernier bas à la chair. Tout le monde doit naître de nouveau. Êtes-vous là? Vous allez là? Cet esprit a voulu travailler ici dans cette église à un moment donné. Il y avait un frère, un certain frère. Si un frère a une vision ou un songe, indirectement il va voir d'abord sa tribu. Ah non, il n'y a rien. Mais ce qui est un école, langue maternelle naïe. Ajoute-moi d'autres. Hey, vous savez plus. Très spirituel. Vous m'avez dit mon collègue. Spirituel parce que il parle sa langue maternelle. Azali koloba monokomo konaye. C'est faux. Donc vous êtes mabé. L'Église de Dieu c'est une alliance du sang de Jésus-Christ. Et quel est l'ensemble des erreurs que nous avons fait Jésus-Christ? Jésus-Christ il est Dieu. Jésus-Christ Azali Zambi. Ni Muswahili. Ni Mouluba, ni Mungala, ni Rwandais, ni qui Tanzanien, ni Namibien. Il est Dieu. Et nous sommes de sa race. La super race des croyants. Qui doit vaincre dans cet âge. Et donc je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Alors sortez de toutes ces confusions religieuses. Cherchons chacun un cœur pur. Quand tu auras ce cœur pur, n'oublie pas que Malachie 4, 5 et 6 promet que l'Élie, le prophète qui doit venir, ramènera le cœur singulier des enfants à leur père. Êtes-vous là? Mais maintenant, nous avons vu vendredi. Ramener le cœur des enfants à leur père. C'est ramener, rétablir l'unité de l'Église. Et par cette leçon, vous avez une idée, une compréhension, une approche de ce que c'est que l'unité et comment Dieu tient à obtenir ça. Vous avez une idée. Mais le cœur, quand vous devez considérer le cœur du croyant, c'est là que doit résider la foi. La source de notre foi, c'est dans le cœur. Si Dieu veut ramener le cœur du croyant, ce cœur doit avoir une même foi. Et pour parvenir à une même foi, nous devons entendre une même vérité. Au niveau de l'âge, l'unique vérité que Dieu nous a envoyée, c'est le message de l'heure. Na eleko ça oyo doit produire la même foi dans tout ce qu'il écoute. Na eleko oyo solo bobele moko sambe akinde libisa zalinde sango oyo sango esengete ebota kondima moko kati na ba ovazel koyoka yango. Si les hommes parlèrent mauvais comportement, n'introduisent pas leur considération particulière, alors l'unité de la foi ne sera pas impossible. Soki batu ezalate na bisaleli ya bango moko. Regardez ce que le Seigneur avait dit par Paul dans Romains 10. Au sujet de la foi. Allons un peu dans Romains chapitre 10 ici. Il dit ceci, verset 8-11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Kasi, ezali kolobani, ilobiate, ilobali zali pene pene na yo, na bibebo na yo mpe, na motema na yo, yango ezali de ilobana kondima, ikosakola kabiso. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce qui est. Nzambi, kondima oyo, et pourquoi misa moto na boyenga bene ezalinde kondima na motema. C'est écrit quoi? Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Alors, devons traiter maintenant du rétablissement de l'unité de la foi. Parce que les croyants du commencement avaient la même foi. Avant que les divergences n'apparaissent au fil des temps, suite au comportement humain et à l'interférence des démons, bien sûr. Le diable s'est interposé avec le croyant, il les a troublés, il les a. Au commencement là, l'église avait une même foi. Savez-vous ça? Paul dit ceci. Paul a on peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est dit ceci. Verset 1 et puis je vais lire le verset 11. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Bandeko. Nazali ko kalisela bino sango malamu oyo esakwela kingai bino oyo mpe boyambaki oyo mpe bozali nde kobatela likolo na yango. Cet évangile que Paul a prêché et qu'il rappelle ici sango malamu oyo Paul atea ki mpe azali kobanzela yawa, c'est le même évangile que les autres apôtres prêchaient. Ezalaki sango bobele moko moko oyo bantoma mosusu batela, c'était la même parole. Ezalaki bobele liloba moko moko commencement de l'église na ebandeli na ekelezia. Et puis, Paul décrit, les différents points sur lesquels cet évangile existe, en accord avec la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, il continue pour lire ceci au verset 10 et 11. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, plus que les autres serviteurs qui l'avaient précédé. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Amen. et c'est ce que vous avez cru. L'église du Seigneur au début avait un seul et même évangile et tous les croyants avaient la même foi. Tous ont prêché la même chose. Et les croyants ont cru la même chose. Amen, amen. C'est ce que Dieu avait fait. Et c'est ce que Dieu doit rétablir dans le monde. Amener le cœur des enfants à leur père. Le rétablissement de la foi apostolique. Nous devons croire en tout point comme nos pères apostoliques croyaient. Aussi c'est la mission de Malachie 4:5-6. Au-delà de l'unité de l'église de Dieu, il y a l'unité de la foi. Par l'unité du message, par l'unité de l'évangile. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un seul évangile que tous doivent écouter. Que les prédicateurs doivent transmettre. Ils doivent produire la même foi en eux. C'est l'évangile apporté par le messager Élie. C'est la parole de la restauration de la foi. Paul a prêché la parole de la foi. Paul a lu dans Romains 10 au verset 8. C'est la parole de la foi. La parole qui insiste sur la foi. La parole qui suscitera la foi. La parole qui édifiera la foi. La parole qui alimentera la foi. La parole qui vous appuiera la foi dans les jours. C'est la parole que Paul prêchait. C'est la même parole que Pierre prêchait. C'est la même parole que chaque apôtre a prêché. Toute l'église avait cru. Et la parole devait être restaurée par Élie le prophète qui devait venir pour rétablir la foi apostolique. Et à leur époque, il ne tolérait pas la perversion de la parole. Galates 1:8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce Ceci sérieux à ce prix. Les amis, c'est mon président de Kaboui. Donc, on ne pouvait pas tolérer les déviations. L'évangile devait être gardé unique. Non pervertie. Non altéré. Original. Le message de Dieu à son église. C'est le même message dans toutes les églises. L'évangile était le même. Comprenez-vous ça? Vous êtes seul? Voilà, nous devons avancer avec Dieu. C'est une distraction que le diable essaye de lancer pour détourner votre attention. Et voilà ce que lui fait de l'argent. Il faut que vous puissiez détourner l'attention. Est-ce que Angar vous dit la paix? Donc voilà ma carrière. Nous sommes Amen. Sous la protection de Dieu. Alléluia. J'ai déjà été agressé par la foudre. Mais Dieu m'en a délivré face à face. Amen. La foudre qui avait atteint déjà quelque part là-bas. La foudre était entrée dans notre église. En tant que je prêchais, pendant que je prêchais. Tout forme visible. Elle est entrée comme un individu, on ne l'a pas rapproché de ça. Et là, on est comme une lumière, ça n'est pas le corps est bon, comme une lumière, il s'est déplacé, comme une boule. Le corps est bon. Et puis, elle est donnée des rayons. Alors, pourquoi ça va pas les coups qui est venu jusqu'à l'hôtel, pas éclaté. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, l'Esprit de Dieu dressera l'étendard et il les mettra en fuite. Ce qui m'a dit, c'est que le corps est balayé, Ouais. Même si le diable ose encore pareille aventure ici, mais nous savons que le Dieu qui nous a délivrés de la guerre des lions, Amen. Il nous délivrera encore des grands Goliaths. Restez-vous tranquille, Dieu existe. Pour Bernard de Gretien, nous savons que Dieu existe. Amen. Et l'évangile qu'il y avait au début était un seul. Amen. Et l'évangile ici à la fin doit être un seul. Et quiconque va prêcher autre chose. Mais pour ceux qui n'ont pas pour que le message reste qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit de l'église. Voulez-vous retourner à ce point-là? C'est important. Parce que Dieu veut nous ramener au commencement. Il est en train de le faire et il réussira. Alors dans Romains chapitre 16, nous voyons encore une autre vérité fondamentale. Romains chapitre 16e. Oh, il dit ceci. Verset 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bandoko, na bonde libino ete, bota la malam, bona bango, bako yo yisakam kaka, mpe soni, ko tele me la kamatei, oyo malakisi epayi na bino. Mais en comparant avec 1 Corinthiens chapitre 15, l'évangile que Paul prêchait, que ceux de Corinthe ont reçu, et cet évangile-là était le même que les autres apôtres avaient aussi prêché, pour dire que les croyants de Corinthe avaient reçu le même évangile que ceux de Colosse. Et le message qui doit être prêché par tous. Qui de l'église dit amen. C'est ça l'enseignement de la saison. Quand Frère Branham commente Matthieu 24, ou non, Matthieu chapitre 15, où il est dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, le fruit, c'est quoi? Il dit, c'est l'enseignement de la parole pour une époque déterminée. L'enseignement de la parole pour une époque bien donnée. C'est ça le fruit auquel vous reconnaîtrez le faux oin pour les distinguer des vrais oin. C'est à notre temps ici, quel est l'enseignement de la saison? L'enseignement de la parole pour l'époque? S'agit-il de prédication de n'importe qui? De téléphésiens 4, de téléphésiens là-bas? L'enseignement pour cette époque, hein? Le message restauré. Le message de l'heure, le message de l'âge. Pourquoi? Parce que si vous allez prendre mon enseignement à moi, et il y aura des différences avec l'enseignement de ton autre frère là. Ton autre prédicateur, on est dans le comportement humain. Mais la chose qui nous mettra ensemble, qui nous mettra d'accord, c'est la parole enregistrée dans les banques. Tel que Dieu a voulu nous enseigner tous à cette époque. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à son prophète, enregistre, emmagasine la nourriture, enregistre-la sur le banc. Et lui m'a ajouté ce commentaire. Les bandes seront jouées pendant longtemps, même après mon départ. Vous aurez des difficultés à vous entendre, à vous accorder. Passez les bandes. Ceux qui nous ont mis quatre tables, vous allez pouvoir faire des yokan. Faites un autre band. Passez les bandes, écoutez les bandes, bien sûr, c'est des yokan. Ça va vous aider. Nous allons venir ensemble. C'est clair. Ils allent pour le. C'est son message qui doit être défendu. Je sais que moi, je n'ai pas une doctrine particulière. Nous allons mettre un mot que l'on engage ici. Je présente le message aussi fidèlement que je peux le faire. Faire en sorte que vous entendiez et vous receviez ce que Frère Branham a donné. Et que vous le compreniez même mieux que si vous ne l'écoutiez que sur les bandes. Parce que là, il y a la touche de mon petit don. Faites, il peut prendre deux ou trois versets et aligner avec la citation. Quand tu lis la citation seule, tu ne vas pas voir ce verset, mais le petit don vient d'ajouter deux ou trois versets. Oh, c'est encore plus clair. Amen, amen. Mais c'est la même matière que je vous ai donné. J'entendais, il me faisait. Nous ne faisons qu'amplifier cela ou insister sur cela. Quand il va lire la Bible seule, ou tu as lu le message seul, tu ne vas pas comprendre que quand il faut réparer, il faut amener ta femme là-bas. Toi qui as été infidèle. J'entendais ça. Il y a même des frères qui ont contesté ça ici. Sauf que la Bible dit ça. Et tout ça pour avoir de continuer à tricher. Il dit moi l'homme. L'homme a une nature, il a un sang polygame. Tu sais ce que de mélanger tout. Arrêtez de faire de confusion et d'intimider les pères. Les pères ne sont pas vos esclaves. Ce sont les héritiers de la même grâce que l'évangile. Amen. Amen. Si tu veux la polygamie, mais viens traiter avec le pasteur. Soit à la maison de Dieu. Venez convaincre le pasteur. Parce qu'il est correct qu'un croyant entre dans la vie avec les prières des noms de Dieu. Tu as choisi, assume. Le message que tu lis, te dit assume. Qu'est-ce qu'on a dit que pour corriger les rires des choix, il faut épouser trois femmes? C'est quelle conception? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ok. Alors n'amenez pas ces idées personnelles dans la parole de Dieu. Laissez la parole dans sa pureté. Utilisons-la correctement. Paul a dit à Timothée, nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il ne faut pas utiliser la loi abusivement. Improprement. Il faut l'utiliser légitimement. Est-ce que l'Église est avec moi ici? Nous aimons la vérité. Et comprenez que la même parole qu'il y avait au commencement, la même parole que Dieu devait restaurer, et c'est la parole même à nous qui la recevons la même fois qu'au début. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors ici, j'avais dit verset, le Romains chapitre 15, le verset 17 et Romains 16, verset 17 et 18. Alors, bah, ce qui cause les scandales au préjudice de l'enseignement, qui attaque l'enseignement, qui pervertit l'enseignement, la parole, le message de l'enseignement, cela éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ ou Christ, mais leur propre ventre. Ils parlent des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Amen. Quand maintenant ton message qui doit revenir. Avec frère Branham, notre précieux frère. Dans la prédication, Abraham et sa postérité après lui. Et dit ceci au paragraphe 61. Ça a été prêché le 16 avril 1961. Et nous lisons le paragraphe 61 pour le rétablissement de la foi apostolique. Ramenez le cœur, nous sommes en train de dire et de méditer que ramener le cœur, c'est ramener la foi apostolique. Okay. Je sais qu'il se lève des gars aujourd'hui qui disent c'est moi Élie, c'est moi Élie. Voilà. En avez-vous entendu parler? Qui était venu là-bas? Un autre s'appelle Mokungubila. Il a dit qu'il était Élie. Lui, Élie, le prophète. Élie Moussakoli Mokungubila. Le frère congolais là. C'est lui, Élie. L'Élie de Malachi 4. Alors, Frère Branham dit, il y a des gars qui se lèvent. Aujourd'hui, là, il dit, c'est moi, Élie. Donc, Élie que vous attendez, c'est moi. Quelle facilité, quel raccourci vraiment. Et puis il dit, c'est du non-sens. Frère Branham dit, c'est du non-sens. Observez ce qui s'est passé. Le cœur de quoi? Des enfants. Le cœur des enfants qui doit être. Le cœur des pères aux enfants. Il dit, à la première venue des gens, il a ramené le cœur de ce vieux père orthodoxe à son récent message des enfants. Mais à la seconde venue, il doit prendre le cœur des enfants aujourd'hui et le ramener à la foi de paix. Au commencement, cherchant à restaurer cela. Ça c'est à la seconde venue. Il doit prendre les cœurs des enfants d'aujourd'hui pour les ramener au Père de la Pentecôte. Au commencement, cherchant à restaurer cela. C'est clair, mes amis? Le cœur, c'est le siège de la foi. Notre foi, c'est du cœur. Paul a dit, c'est en croyant du cœur que vous serez sauvés. Vous devez croire de votre cœur. Et quand il est dit qu'il faut ramener le cœur, mais c'est ramener la foi. La même foi qu'il y avait au commencement. C'est ce qui doit venir à la deuxième seconde, à la seconde venue du messager Élie le prophète. De Malachie 4. À la seconde venue du messager là. Il doit prendre le cœur des enfants d'aujourd'hui. À cause de notre âge. Et ramener ça à la foi de Père. De Pentecôte. Batata ou yon tout le monde. Cherchant à restaurer ça. Pour nous kata ya kosan ki sakane yango. Qui dit amen? Cherchant à restaurer ça. Alors, dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960, venons dans le paragraphe 81. Oh mes amis, et le cœur des enfants à leur père. Deuxième volet, ramenez le cœur des enfants à leur père. Il dit, maintenant, lorsque ce grand Élie viendra, à la fin de cet âge, il apportera le message de Pentecôte. Pour ramener les enfants à la foi de paix. Quel message? De Pentecôte. Message de Pentecôte. Notre message d'aujourd'hui est un message de Pentecôte. Il doit expérimenter la Pentecôte. Laisse voir le même esprit qu'au commencement. Le terme de Pentecôte doit descendre dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous allons jusqu'à dans ces détails-là. Pierre Paul avait prêché. Jean-Philippe avait prêché. Le message rétabli. Le message d'Élie en question. Message de Pentecôte. Pas de somnolence. Message à la tête. Hein? Le message à Boulamou. Il y a moto dans Molimo. Quittez là. Pentecôte. Quittez là. Il y a Molimo Mosan. Amen. Où t'as la Nicoro? Oye église ou le Ponawana. Amen. Amen. Amen. Amen. Oye église. On cause un problème. Il y a grave, voire même des sanctions. Ok. Mais si tu cherches le cœur pur et le Saint-Esprit dans ce cœur-là, nous serons frères jusqu'au bout. Amen. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Nous allons invoquer Dieu avec ce genre de cœur que tu chercheras. Hein? De Timothée chapitre 2. Verset 22. Que chacun retienne. Fuis les passions de la jeunesse. Biloula loulana, biloula loulana, bilinga linga. Fuyez ça. Fuyez maman nous l'amour. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur quoi? Ne aucune possession y a bolingo. Paul kaka kondima pe bolingo pe kimia. Et si kamako na bango ba kopianga kam kolo Est-ce que tu as ce corps pire? Quand tu invoques le Seigneur? Quand tu invoques Jésus? Quand tu pries au nom de Jésus-Christ? As-tu un cœur pire? Nous voulons nous rassembler des cœurs purs. Frère, nous voulons les cœurs purs. Amen. C'est ce que nous voulons. Ne pas faire des histoires aux frères, faire des histoires aux sœurs. Nous continuerons à invoquer le Seigneur. Cherchant la foi. Il y avait autrefois l'amour divin. Cherchant la justice. La paix, l'amour et la foi authentique. Nous voulons ça au tabernacle des chrétiens. Nous voulons ça dans les familles qui fréquentent cette église. Nous voulons ça dans tous les couples qui prient avec nous ici. La justice de Dieu, la paix, l'amour et la foi, mais tous ayant un cœur pur. Nous savons ce que nous avons fait ma tête. Son frère, un cœur pire. Cette soeur, un cœur pire. Donc, nous sommes un peuple qui a un cœur pur. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut faire parmi nous. Ceux qui sont pour Dieu prennent position. Il rapportera le message de Pentecôte. Quand il s'était rassemblé dans la chambre haute. N'était-il pas réuni dans le même accord? N'était-il pas tous ensemble dans le même lieu? N'avait-il pas à cœur la purité de Dieu? N'était-il pas grillé? Si nous faisons de même, le même Saint-Esprit reviendra. Nous serons un peuple spécial. Avec un message spécial. C'est le message de Pentecôte. Vous ramenez les enfants à la foi de Père. Car il les reprendra pour n'avoir pas gardé cette foi du commencement. C'est que notre message fait, il nous reprend. Pour n'avoir pas gardé la foi qu'il y avait autrefois. Amen. Maintenant, je crois que vous comprenez assez bien ce que sera cette vie. N'est-ce pas? Maintenant, nous les avons. Ça c'est puis ce que sera cette vie. Et le genre de message qui l'apportera. Êtes-vous là? Vous allez voir, le genre de message qui l'apportera. Gloire à Dieu. Dans les sermons, le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le mercredi 17 juin 1964. Au paragraphe 157 ici, j'aimerais vous poser une question. Et j'ai lu dans les Écritures, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela s'est fait juste pendant un moment. Ça ne s'est pas encore fait essentiellement. Il vous a montré qu'il est censé accomplir cette même chose une fois de plus dans les derniers jours. Combien croyez cela? Il doit accomplir la même chose dans les derniers jours. Vous pensez qu'il est le même Dieu de l'église primitive? Ah, écoutez. Malachi 4 est tout cela. Malachi est censé revenir une fois de plus. Il descend une fois de plus et s'identifie à un message prophétique. Le message n'est pas qu'un message de Pentecôte. Pour nous faire entrer dans le Saint-Esprit et jouer de tous les dons. C'est aussi un message prophétique. Il a été prophétisé et il nous annonce les choses à venir. Message prophétique. Il a été prophétisé dans les Écritures. Il viendrait. Et lui-même contient aussi plusieurs promesses de prophétie. Vers lesquelles nous devons marcher jusqu'au plein accomplissement. Malachi 4. Et tout cela. Et ça se revenir une fois de plus. Il descend une fois de plus. Et s'identifie à un message prophétique. Pour ramener le cœur des enfants à la foi. La foi apostolique de la Pentecôte de Père. Mais utilisant un message prophétique. Quelle que soit la casquette, l'objectif est le même. La foi doit être restaurée, la foi du commencement. Ce qu'eux avaient cru, c'est ce que nous, nous devons croire. Vous voyez? C'est exactement ce qui est censé se faire. Pas un credo, mais revenir à la foi originelle. Eh bien, nous croyons cela de tout notre cœur. Il y a quelqu'un qui ne croit pas ça? Nous pour notre part. Moi pour ma part. Nous croyons ça de tout notre cœur. Ce qui est censé se faire, et c'est ce qui est en train de se faire, Dieu en action. Connectez-vous à l'œuvre de Dieu pour maintenant. Connectez-vous à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il ramène le cœur des enfants à leur père. Il prêche un message de Pentecôte. Avant que tous les points doctrinaux redressés. Il prêche un message prophétique. Il a été prophétisé. Et qui prépare le cœur à un enlèvement imminent. Il y a une résurrection entre les morts. À la manifestation du troisième pôle. Nous sommes préparés à ça. Par la bonté de Dieu dans son message. Dans sa parole. Amen, amen. Vous aimez? Vous aimez vraiment? Oh mes chers amis, je voudrais vraiment que chacun saisisse cela, qu'il comprenne cela, comme Paul et les autres avaient compris par les livres. Daniel a eu à lire les livres de prophétie, il a compris ce qui devait se faire en son temps. Daniel attendait qu'il m'ouvre dans les sacoches. Ce soir là, qui vient lui enseigner le concert à Macan? Attends-moi, il a dit qu'il il a compris par les livres. Ce soir là, qui vient dans les appels. Les prophéties qui devaient s'accomplir pour les choses que Dieu était censé faire. Et que Dieu était censé faire en ce temps. Nous aussi nous voulons comprendre par les livres. Les livres de prophètes. Les livres de Malachi. Comprendre l'œuvre de Dieu à notre temps. Qui est prévu. Qui est censé se faire. Pendant que ça se fait. Que le Seigneur soit avec nous. Et nous ne puissions pas rater l'occasion. Ouvre tes yeux. Et que Dieu t'aime. Ne rate pas la visitation de Dieu pour maintenant. Voyez, c'est très important. Nous savons dans la Bible qu'il est dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Et cela vient de l'expression d'un esprit de foi. Nous disons non à l'esprit de prostitution vendredi. Parce que l'esprit de prostitution et nos œuvres empêchent les gens de revenir à Dieu. Mais nous insistons ce matin sur l'esprit de foi. Parce que l'Élie de Malachie 4, verset 6 devait ramener la foi. Parce que l'évangile restauré. Les vérités doctrinales rétablies. Tout ce qui attendrait cela croirait comme ce qui était au commencement. Alors ayons en nous l'esprit de foi. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous terminons bientôt, mes chers amis. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 15. Et comme nous avons le même esprit de foi. J'aime ça. Esprit de foi. Content dans le cadre d'esprit. L'homme a incrédulité. Et quoi il s'amène et yogi na soni. Un cœur mauvais incrédule. Lata si ko yo molimo ya kondima. Amen. Esprit de foi. Molimo na kondima. Kota esprit de foi. Amen. Kota na kondima. Frère et sœur, kota esprit de foi. Kota na molimo na. Ndeko mbali na yo. Asa elo koni ne tremeli yo. Kota esprit de foi. Amen. Tretien on esprit de foi. Et il y a une pleine conviction que ton Dieu fait des grandes choses. Et ton Dieu est très grand. L'esprit de foi en action. Crois des choses impossibles. Témoigne de ça avant que ça ne se fasse. Vous savez que David avait l'esprit de foi. Devant Goliath, il n'a pas regardé aux apparences. Il a dit, je te couperai la tête. Comment il a pu dire ça? C'est l'esprit de foi. Un gaillard qui se tenait là-bas, avec des épées, des casques blindés et tout, habillé en béton et en airain, depuis les pieds jusqu'à la tête. David, il n'y avait que 5 petites pierres ramassées dans dans une petite trousse d'un villageois. Il pensait que c'est une bataille de la chasse des oiseaux. Il tirait sur les oiseaux. Il est venu avec 5 petites pierres ramassées dans la rivière. Dans une gibecière digne d'un villageois. Méprisant, ce n'est pas possible. Mais il a dit qu'il n'avait pas coupé la tête. Alors qu'il n'avait rien qui pouvait couper. C'est l'esprit de foi. Confessez votre victoire. Quelle que soit la montagne à considérer, le problème en déclarez votre supériorité. Élevez-vous au-dessus des choses. Revêtez l'esprit de foi. Molima kondima kaka. Hein? Esprit a bien, hein? Esprit à foi, caca. Attendez que sa vie de l'eau qu'on a les longs zungos qu'on t'a esprit de foi. N'a qu'on l'amba t'a retourne bien au tigal. Esprit de foi. Molimo n'a qu'on dit. Amen. Moïna y a yidi nyoso. N'a qu'on tigali prolévé et son fin yo. Et yoki se on a soni na somme. Esprit de foi. Baïbinga biloko, mais baïbinga source n'anga ite. Amen. Zambé n'anga ya pesa ki, akopé pesa li sous. Amen. Zambé ya yob akoufate, a zambé pisoli ya pa. Amen. Amen. Akosongi se l'anga fadé. Amen. Okomana pe fadé kokosan. Amen. Amen. Esprit de foi. Molimo ya kondima. Neko, lanta molimo kondima, l'ongo la incrédulité. Amen. Amen. L'esprit de crédulité amène toujours la peur, l'angoisse, l'incertitude, le questionnement. Débarrassez-vous de ça. L'atasikawa, esprit de foi. Hein? Donc on l'a sauté dans la front. Allah t'a l'esprit à Makila. C'est quoi là-bas? C'est qui tu es? tu ne vas jamais tirer sur l'ennemi. Mais tant que comme il na front, comme il a ici, dès qu'on lui dit boum, on va crier, elle est là, et banni, là, ça me dit mon esprit, il y a un tomba. Si il y a un front, non pas pour écouter la musique, et elle n'était pas comme un musicien, elle va pour le goût de l'envolopée, pour la massacre, elle est là, elle est là, on vous a signé, ils ont besoin de ça, à signer, à signer, à signer, à signer, oh yo, on vous a la faible, on vous a mis toi les bossons. Ah, vous voyez ce que fait? Vous voulez les amis? On l'a dit esprit socor. Voilà. Amen. Esprit socor, qu'on a la front. Massage collé là, maquillé pour tanga. Attends, la monnaie, mais maman, on a sauté. La sauté, la zone de bossons. Amen. Ben, écoutez la position là. Oh, à salé le bon comme on est. À couper le bon comme on est. Ce n'est pas ton problème. Là, celui-là est déjà éliminé, il n'est plus en danger. Voilà. Pour juste celui qui est vivant. Ah, la mort est la bombe. Mais ça y est, ma chance. Sur Israël. Tu vas tirer en l'air, il faut tirer en la tôle. Amen. En tirant en l'air pour un il faut tirer en la tôle à Daïe. Amen. La front va s'agagagaté. Amen. Là, ta esprit de foi. La tâme de mon attendement. Et ça va vous protéger. Et ce matin, la foi est aussi un bouclier. On y met à l'épargne du bas. Attends, ma tante, c'est Goyaka. Foi ou en andé, comme elle a eu. Et Meliango est net carité. Yon est à vos gosses, il s'en dégât. On en a gambo, dégât. Amen. Yon, aussi qu'à l'échelle, elle chauffe. Aussi qu'à le protéger par la foi. Amen. Sa foi est un bouclier. On y met à l'épargne du bas. Et ça, demain. Vous allez bombo, ça la cache, mon assiement. Tu vois les gens, ça dit que Brunham dit ça. Oui, oui. La foi, c'est une bombe à retardement. Et c'est comme une bombe, mon père. Et si vous dites que des gars, ils vont comment se multiplier. Des fois, ils sont familiers, on leur fait un seul côté. Des gars, ils vont comment se multiplier pour nous. Mais ils vont pas se faire pour nous. Et donc, on va dire, voilà, il y a un esprit comme un bête, un bête. Amen. Amen. Prenez Dieu en moi, mes amis. Vous entendez, madame, il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. L'esprit de foi dit amen et oui. Et tout plus que vainqueurs. Non, ça va pas tout le c'est vrai. Bongo. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous n'allons pas nous taire. Pour le moment, ton sali n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas où t'es chémis? Pourquoi j'émir? Pourquoi crier? Dieu a dit à Israël. Pourquoi c'est cri? Parle! Si y a la foi là, vous allez la connaître. Et la chose va se produire. Qu'est-ce que c'est fait? Si c'est cela, croyez cela. Il faut de votre cœur. Vous pouvez la mettre pour amen. La vérité. Sika ko chemir, lobaka. Omira lele la te sika. Sika ko ganga ganga, lobaka. Décris ce qui est dans ton cœur. Satan et toutes les puissances de l'ennemi savent que devant l'autorité de la foi, ils doivent reculer. Satan la bangouna nyo sa baye bete. Liboso ya bokozi na kondima esenga ite bazonga sima. So ki balingi ko ye ko la yangote, foi na yo e ko contrainte na bango. Batosa, baye ba jesaka ne bongo. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Oh. Le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mpo malamu kati na makambo malamu mabombami na motema na ye. Mpo moto mabe. Abimisi mpo mabe kati na makambo mabe. Po ete munoko na ye olobi na makambo matondi na motema na ye. Ya yo motema etondi nini? Parce que... Banda ou banda qui bongo? 2 heures et bête. 3 heures du temps et bête. Eh maman mon ou. Maman n'engage. Papa n'engage. Oh, c'est quoi ça? Nini bon. Parle à la douleur. Viens pas. N'engage pas. Mais il sort, quitte mon corps. Rebete Bima. Non, ça t'en engage. Yo passe. Bima. Yo passe. L'envoi. Moi, c'est ma passe. Libanda. Au consulat, moi, c'est ma. Libanda. Toi, ça. Nazali estale lona yote. Alléluia. Nazali estale lona yanzambe na bomo. Amen. Nazali ndenge mokolobi lelo pe libera na libera. Amen. Sika et sika. Amen. Au lieu d'être là, gémir et gémir et gémir. Plus tu gémis, plus ça fait mal. Mingo zara kumile le yomo ko pas. L'homme bon tire de bonnes choses. Mutu malamu akosabila kwa malamu. Du bon trésor de son cœur. Na ebamba meli malamu weza na mwache malamu. So ki parole, tout a kawi maguna, ege zaka trésor, na kati kuna mwache mate, yangonde usunga kama bi. Ah. E yinde la kayo tango nyoso. Obele la defo di sunge ya gati, parce que parole, bete kawi maguna, me salamu tema na yos sanduku. Amen. Et comme bombelo ya nourriture spirituelle ta gomme. Alléluia. Alléluia. Et bombelo ya message de Pentecôte. Amen. Et bombelo ya message prophétique. Amen. Le message de la foi restaurée. Amen. Fandi sango la Alléluia. À l'heure de la tentation, à l'heure de la souffrance, à l'heure de la prière, comment s'appuyer là-bas? Nos trésors ne sont bons cœurs. Et qu'elle est purifiée par la parole. Et qu'elle est purifiée par la vérité. Amen. Amen. Chakola. Amen. L'homme il est fait. Amen. Dieu a dit. Amen. L'ennemi va reculer. Allez, Munguna Kosakasima. Tous les démons seront contraints de se soumettre. Amen. Amen. C'est la vérité de la foi que je te dis. Il n'y a pas de problème impossible. Il n'y a pas de preuve éternelle pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas de maladie incurable parmi nous. Il y a guéri toute maladie. Quelle qu'elle soit. Puisse dans les bons trésors de ton cœur. Et que ta bouche dégage l'abondance de ton cœur. Et que nous nous connaissons, ça y fait belle, c'est bien. On est dans les gens, on est dans les gens, on est dans les gens. Et on est dans les gens. Attends, la salle est d'abord salée, hein. Abibisi, Ezo Bima, na oyo, tanga gimi kolonete, na oyo, ouye bakite, Ezo Bima, amen. Pourquoi le trésor garde. Et bon, mais le trésor garde. Et bon, mais le trésor garde. Et bon, mais le trésor garde. Et bon, mais le trésor garde. Kolemba gama teyate. Amen. Yo sereche, eko takaka. Amen. Amen. Senga zambe, efanda gabiye. Amen. Efanda getonda meke kuna. Amen. Comme ça, mon logo na yo. Chaque fois qu'il y a besoin, hein, t'as un gros jeep pour la main, moto la moto. Non. C'est du feu sur feu. Et dans le moto, il y a la moto. Et bien, il y a la parole, il y a moto. Amen. Voilà, moto. Amen. Voilà, voilà, mon goût, Amen. Amen. Amen. Amen. L'homme bon. Moutou malam. Il tire les bonnes choses. Attends, quand j'habite pas malam. De son bon trésor et de son cœur. Na. Et le méchant. Amen. Il tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur. De la bouche, hein? Ta bouche doit montrer le contenu, la richesse de ton cœur. Trop de paroles ici, trop de paroles là-bas. Ah oui, bien l'état du cœur. Parole est ponie, mais que mon opé, parole. Amen. Mais si vous avez parole, mouke, mon okomatongi. Munoko kaka mabaku na beti libaku muke muke na beti libaku engai vraiment na beti libaku fa liya kaka si mabaku na utonda kamo eko mayo wapi il faut que la foi les paroles de la foi soient là c'est le thème maloba ya kondi maeza la parole de victoire maloba na yelonga être toujours positif comment la tango nyoso makamu na lolenga savoir que ça marchera rebete kotambula ça ira kotambula ça se relèvera kotelema tout sera résolu nyoso pasa yelonga amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que Dieu te bénisse. Tu aimes revenir à la foi authentique? Tu pourras dire même. Comme Pierre, hein? Il n'était pas prévenu d'une manière. Et il arrive devant la porte, appeler la belle. Ah, comme il a dit, tiens mon bongo, lisoumoué un papa. Papa lisoumoui. Il dit, la bouche commence à parler. De ce qu'il y avait dans le cœur. Je n'ai ni or. Ni argent. Mais ce que j'ai ici. Il fallait la moitié. Amen. Ce qu'il y a là. Oui, j'en suis sûr. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Fini l'affaire. Amen. Jésus est allé devant la tombe de Lazare. Oui, ça une limite. Il parle à un mort comme vivant. Il est sorti. Amen. Frère, la foi c'est notre victoire. Sans la foi, je ne sais pas qui deviendra quoi. Et l'esprit de foi et le cœur de foi. Que lui est venu. Le message de Pentecôte est prêché. Le message de prophétique est prêché. La puissance est rétablie. Dieu est à l'œuvre maintenant. Les choses qu'il y avait autrefois. Les signes, prodiges et miracles. Ça nous appartient. C'est pour nous maintenant. Faire le prix ici pour nous. Prendre le prix ici. C'est vous et moi qui sommes. C'est notre temps. Ces choses vont nous appartenir. Nous devons les manifester. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-nous debout. Automatiquement, pour nous sommes là. Penenayo, numéro 14. Penenayo Koulous. En accord avec la parole que nous avons entendue, prions de tout cœur, nous approchant des trônes de Dieu, dans la plénitude de la foi, ayant un cœur croyant, et revêtant l'esprit de foi pour puiser dans son cœur toutes les promesses, les vérités dont nous sommes convaincus, les réalités du Dieu vivant, les amener à la pleine manifestation. Dieu honore toute personne sincère. Nous les savons. Prions vraiment chacun. Dieu Tout-Puissant et Vivant, source de bénédiction et de salut, nous venons auprès de toi au nom de Jésus-Christ, près de ton trône de gloire et de miséricorde, pour t'adorer et te sanctifier, pour t'exprimer notre reconnaissance, nos remerciements à l'infini, à cause de la parole restaurée, le message de l'heure, l'enseignement de Dieu pour cette époque, pour la saison dans laquelle nous vivons, la parole restaurée, le message de Pentecôte qui était dans l'église primitive, et tu as veillé à ce qu'il soit rétabli pour nous maintenant. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons le recevoir, nous pouvons le croire du cœur, pour que notre foi soit ramenée à la foi apostolique. Merci pour ce grand privilège, un de chacun à s'examiner, à pouvoir chercher un cœur pur, à se débarrasser du cœur incrédule, du mauvais cœur, du cœur méchant, pour revêtir l'esprit de foi. Seigneur, tu es capable d'opérer tout cela. C'est toi le sauveur, c'est toi le libérateur, c'est toi la réponse appropriée à toute question, à tout besoin. Je te confie chacun qui a reçu ce message, pour que ce message les façonne, les rende semblables à Christ et produise les fruits de Dieu pour la maison. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Sors-nous des baptêmes, mets-nous dans les hauteurs. La spiritualité élevée. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'exaucer chacun et pour ta gloire éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.